road from nowhere to Texas. A coffee machine must need some fixing. Thanks. I'm dumb, I'm dumb, I know I'm dumb. Ooh, the dumber, ooh, the dumb, ooh, the dumber. I got no wrong. Thank you. です。Oui, c'est bien, je suis content. Moi, je suis content, oui, c'est bien. Je suis très content, je suis content. Je sais quand je suis content. Mais qu'est-ce que je suis content? Tant mieux. La pluie, il pleut, tu es si content qu'il pleut, tu contemples la content. tu te contentes d'être. Tu sais que le problème, c'est que tu t'en contrefous. Comme pas dire que tu consens. Que tu consens, tu te mens. Tu te mens si tu crois que tu consens. Tu te fous, tu te crois, tu le penses, tu te tens. Depuis le temps que tu patientes. Depuis le temps, tu le sais, on te ment. C'est pas que tu sois content, mais tu t'en contentes. Tu consens, tu t'en fous, et pourtant, et tout. Parmi nous, fais pas semblant que tu t'en fous, tu t'en contres. Oups, c'est pas nous, c'est pas vous. Encore un peu maintenant. Je trouve pas ton 1, tu pars sur le 5? Tu pars sur le 6? Tu fais un 2-5-1, je comprends pas. Ouais, tu pars sur le 6. Merde. Merde. J'appuie sur un truc, attends, j'arrive. On part sur le 6, on me décore, hein. Hey. Putain, c'est un truc de jazz, ça. Merde, j'ai regardé. 5. T'as encore raté. Un toujours pas. Merde, toujours pas. Je fais n'importe quoi. Thank you. emotion about the car. I'm sorry. I betrayed you. You were the only one trying to keep with me. I love what you're doing. Oh, thank you. It's simple. Thank you, get me. We don't need that. We got. We don't need that. We got. More. As long as you inspire. As long as you inspire. We'll be right back. when you recall the first time you jam. When I recall I'm sorry, guys. I'm so sorry. See you, Keith. Ah, it was awesome. It was amazing. I'm trying with you, wait, don't stop. I'm really bad, that's why. Don't stop, don't give up. I'm the one I want, the one that you want. But I sure beat you. Live your life with your mind.